Vous écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Game Ozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Pascal. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. Vous pouvez vous présenter en quelques mots, nos auditeurs ? Alors aujourd'hui, donc je suis venue sur votre antenne pour vous parler du Club Vosgien, l'association dont je fais partie bénévolement. Je suis chargée de communication et j'encadre aussi des séances de marche nordique. Mais aujourd'hui, je suis là donc pour vous parler d'un projet que nous avons. C'est une belle promenade, enfin une balade. C'est notre 27e en fait marche populaire internationale sur Épinal. Et qui se déroulera dimanche 20 août 2023. Donc nous aurons cette marche populaire donc, qui est organisée par le Club Vosgien d'Épinal sous l'égide de la FFSP, Fédération Française de Sport de Plein Air. Nous vous proposons trois parcours de 5 et 20 km qui sont praticables en marche nordique. Alors le départ s'effectue à 7h30, de 7h30 à 14h pour les 20 km. Et de 7h30 à 15h pour les 5 et 10 km. Parce qu'en fait, on souhaite un retour impératif pour tout le monde pour 18h. Pour pas après aller rechercher des gens qui se sont perdus. Nous, à 18h, on débalise le parcours et en même temps, on ramène les gens qui auraient mis un peu plus de temps pour parcourir cette balade. Alors le départ s'effectue de Dévillé, depuis l'ancienne Tuilerie. Il n'y a aucun problème pour trouver, ça sera balisé, vous verrez des oriflammes du Club Vosgien, des pancartes, des affichettes. Donc là, vous vous inscrivez, on demande une participation de 3€ par personne, ou bien alors une licence famille à 6€. Si vous venez en couple avec 2 ou 3 enfants, vous demandez une licence famille pour 6€ et elle vous sera accordée. Et ensuite, vous pourrez participer à cette belle rando en forêt sans difficulté, à la portée de tout le monde. Alors, vous trouverez des boissons et petites collations gratuites le long du parcours. Et vous aurez aussi la possibilité de restauration à l'arrivée ou à mi-parcours pour le 20 km. Alors, il y aura certainement des salades, des pâtisseries qui sont confectionnées par nos bénévoles. Enfin, je vous dévoile pas tout, vous découvrirez en arrivant. Alors, en ce qui concerne les chiens, vous pouvez venir avec vos animaux de compagnie à partir du moment où ils sont tenus en laisse. Et pour les enfants de moins de 10 ans, on demande qu'ils soient accompagnés par un adulte. Vous aurez l'interdiction de fumer sur le parcours parce que c'est une balade en pleine forêt. On craint les risques d'incendie et puis c'est pas le but, on est là aussi pour s'oxygéner. Alors sur chaque point, vous aurez des petits points de contrôle, il y aura toujours un bénévole qui sera là, qui a la formation de base au premier secours. Je peux vous donner le nom, le numéro de téléphone de l'organisateur de cette manifestation si vous voulez avoir encore d'autres renseignements. Donc vous pourrez le joindre au 03 29 39 37 24. Mais sachez que vous pouvez trouver tous ces renseignements sur notre site qui est www.clubvosgienepinal.com. Voilà, vous pouvez aussi passer au local de notre club. Nous tenons une permanence les samedis matins à Épinal, 5 rue Blaudez, de 10h à midi. Alors, la marche populaire se fera quelles que soient les conditions météo, sauf bien sûr en cas d'alerte orange ou d'interdiction par arrêté préfectoral ou municipal. Alors, qu'est-ce que c'est une marche populaire ? En fait, c'est une randonnée pédestre suivant un tracé fléché dans la nature à l'écart des routes et du bruit. Chacun peut y participer à son rythme, librement, sans esprit de compétition, sans contrainte, sans vainqueur, que des participants tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous proposer pour le dimanche 20 août, la Saint-Bernard, dimanche 20 août 2023. Alors, quelques mots aussi sur notre association, si vous voulez. Donc, l'association du Club Vosgien d'Épinal, nous sommes environ 500 adhérents avec 80 bénévoles. Et notre but premier, c'est d'entretenir et de baliser des sentiers forestiers. C'est notre principale activité. On a un balisage spécifique Club Vosgien. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre notre association pour être bénévole dans le balisage et l'entretien des sentiers, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous renseigner le formulaire de contact sur notre site. On a toujours besoin de main-d'œuvre parce que vous savez, l'entretien des sentiers, c'est le véritable mythe de Sisyphe. Dès qu'on a terminé un sentier, de l'entretenir, de le baliser, eh ben il faut attaquer à un autre. On a un grand panel de sentiers, plusieurs kilomètres, donc on entretient chaque année. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi au Club Vosgien à part baliser les sentiers et les entretenir? De la randonnée, bien sûr. On vous propose au moins 3 randonnées par semaine, au moins, parce qu'il y a des randonnées avec plusieurs niveaux selon les jours. Il y a aussi des promenades les après-midi, donc avec un rythme plus lent. Nous faisons aussi des séances de marche nordique, donc 4 jours par semaine. Nous pratiquons le ski de fond aussi en hiver, du cyclotourisme. Enfin voilà, c'est tout du sport loisir. Les gens viennent pour pratiquer un peu de sport loisir, mais c'est surtout la convivialité, le plaisir d'être ensemble et de s'aérer. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai peut-être donné envie de venir. Dimanche 20 août 2023. Et ensuite, la prochaine aura lieu cet hiver au mois de décembre. Et bien, suivez notre actu sur le site du Club Vosgien. À très bientôt, Laura. À très bientôt. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde.